Le nombre de rappeurs augmente quand je m'attends autour de moi. Mais vu que ceux-ci nous mentent, la plupart ne sont là que pour de moi. Aucun discours est malheureusement trop scopique. Beaucoup veulent jouer les grands alors qu'ils ont un buzz microscopique. Je fais mon chemin et je m'en tape du grand dira-t-on. Je continue de m'exprimer sur des sons que nous pirate-t-on. Je fais de mes mots et maîtrise chacune de mes phrases. Chaque rime, je mets de côté chacune des lacunes que j'écrase. J'ai pas de message clair, loin d'être exemplaire. Je rappe pour les mères en pleurs, nickel sans pleurs, sachant que je brillerai pas sans plaire. Je rappe grave, car ici ça s'aggrave. Si t'as pas de craque, c'est garde pas de drame pour 4 parce qu'on veut tous croquer. Entre nous, on se fait des sales coups. On est loin d'être unis, l'univers musical est casse-cou. Dans l'erreur, on apprend, grandit de jour en jour. On sort plus fort de chaque épreuve, on fait nos preuves. Chacun attend soit ce qu'on veut tous croquer. Entre nous, on se fait des sales coups. On est loin d'être unis, l'univers musical est casse-cou. Dans l'erreur, on apprend, grandit de jour en jour. On sort plus fort de chaque épreuve, on fait nos preuves. Chacun attend soit. Les jaloux parlent sans cesse dans ton dos, et ça m'amuse grave. Et devant toi, te lèche le cul, même si tu as l'anus crade. Rien que ça vend de la peur, et les ados adhèrent. Des textes pauvres comme moi, quand je calcule mon salaire hebdomadaire. On est prêt à tout pour des euros. Logique. Car quand on n'a pas, on stresse en avoir des problèmes neurologiques. On vit qu'une fois, donc on veut profiter à fond. Coûte que coûte, et une bonne fois pour toutes, quitter les bas-fonds. J'apprends dans l'erreur, je grandis en avançant. Car faut être efficace et décisif comme un avançant. Je parle pas, j'avance discrètement, je m'applace. Faut que ça se passe, dépasse les nazes et les tasses. Parce qu'on veut tous croquer, entre nous on se fait des sales coups. On est loin d'être unis, l'univers musical est casse-cou. Dans l'erreur on apprend, grandit de jour en jour. On sort plus fort de chaque épreuve, on fait nos preuves. Chacun attend soit ce qu'on veut tous croquer. Entre nous on se fait des sales coups. On est loin d'être unis, l'univers musical est casse-cou. Dans l'erreur on apprend, grandit de jour en jour. On sort plus fort de chaque épreuve, on fait nos preuves. Chacun attend soit. J'ai plus le temps de dormir, il me faut du buzz et même du gabarit. Rapper n'est plus un truc original pour un petit gars de Paris. Faut se casser le crâne afin de ramener du bon, des inédits. Du bon son qui surprend comme le coup de tête de Zinedine. J'ai quelques comptes à rendre, je bosse pour mon mécène. Au lieu de perdre mon temps et donc de l'argent sur MSN. Je cherche des solutions à des problèmes complexes. Mes écrits sont pour ceux qui restent vrais et simples dans n'importe quel contexte. Je reste méfiant, y'a trop de mecs malins comme Paoletta. Des mecs qui veulent te fork et qui rêvent de mettre KO l'état. A 23 piges, j'ai pigé, faut plus que je sois pris au piège. Exigeant car j'exige que quand je rappe, tu t'agrippes au ciel. Parce qu'on veut tous croquer, entre nous on se fait des sales coups. On est loin d'être unis, l'univers musical est casse-cou. Dans l'erreur on apprend, grandit de jour en jour. On sort plus fort de chaque épreuve, on fait nos preuves. Chacun attend soit ce qu'on veut tous croquer. Entre nous on se fait des sales coups. On est loin d'être unis, l'univers musical est casse-cou. Dans l'erreur on apprend, grandit de jour en jour. On sort plus fort de chaque épreuve, on fait nos preuves. Chacun attend son tour.